Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgoyne. Cette semaine, Trois-Rivières renoue avec la fluoration. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Alors on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est loin de faire consensus au sein de la population, la fluoration de l'eau potable. Oui, contrairement à l'ajout d'acide folique, la fluoration de l'eau sème la controverse. Rappelons que l'acide folique est ajouté au Canada dans la farine pour lutter contre les malformations du tube neural. Pour le cas de la fluoration, ce serait pour prévenir les caries dentaires et améliorer la santé des dents. Les études scientifiques ne sont pas toutes si affirmatives. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît, et je cite, que les caries dentaires demeurent un problème de santé publique pour de nombreux pays en voie de développement et pour les populations démunies des pays développés. Alors, la fluoration, ça consiste à augmenter volontairement la concentration de fluorure dans l'eau de consommation. Il existe d'ailleurs un programme québécois de la fluoration de l'eau potable. On vous mettra un lien sur notre site web. Oui, une entente administrative existe sur le financement et la responsabilité entre le gouvernement du Québec et les villes qui désirent fluorer leur eau. Le ministère de la Santé et des Services sociaux offre même aux municipalités de plus de 5000 habitants une aide financière pour les aider à la fluoration de l'eau de consommation. Selon cette entente, le gouvernement du Québec est responsable des conséquences de la fluoration et s'engage à assumer toute responsabilité de santé publique inhérente à la fluoration de l'eau potable. Et en plus, la Direction nationale de la santé publique du Québec recommande l'instauration immédiate de la fluoration de l'eau potable dans l'ensemble du Québec. Oui, dans un document publié en 2012 et justement intitulé « Fluoration de l'eau potable ». Le directeur explique et défend sa position adoptée par le gouvernement, mais aussi par la municipalité de Trois-Rivières. Pour parler de fluoration de l'eau municipale, nous rejoignons donc d'abord le Dr Lévy de l'Institut national de santé publique du Québec. Michel Lévy est dentiste et détient une maîtrise en santé environnementale. Les conseillers municipaux de Trois-Rivières ont finalement tranché en faveur de la fluoration de l'eau potable à 9 contre 7. Cela reste toutefois un succès modeste, ne trouvez-vous pas, Dr Lévy? Ben, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens de Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières avait la fluoration de l'eau depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est une ville pionnière au Québec pour avoir la fluoration de l'eau. On reconnaît que la fluoration de l'eau a des effets bénéfiques sur la santé dentaire. Donc, je pense, comme je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle. De cette façon-là, les citoyens de Trois-Rivières continueront à bénéficier des effets de la fluoration. Tous les conseillers municipaux n'étaient pas tous d'accord, par contre? Oui, c'est évident. Donc, je pense qu'il y a des questions qu'ils avaient. Je pense qu'il y a un contexte politique qui est très important, mais au niveau scientifique, les bénéfices de la fluoration sont bien connus. Donc, ce n'est pas vraiment un dossier scientifique. Nous autres, on connaît bien ces bénéfices-là. Donc, c'est comme je vous dis, c'est plutôt un dossier politique. Si on a recours à la fluoration de l'eau potable, c'est pour lutter contre les caries et améliorer la santé dentaire. Bien de se brosser les dents ne suffirait donc pas? Bien, écoutez, oui, si on se brosse les dents avec un dentifrice fluoruré qui contient du fluor, ça a certainement des bénéfices, mais la fluoration de l'eau permet d'avoir un bénéfice additionnel. Puis on sait très bien que les enfants, surtout les enfants défavorisés, ne se brossent pas les dents. Très bien, on sait aussi au niveau des personnes âgées qu'on a des problèmes. Donc, la fluoration de l'eau bénéficie tout le monde, ceux qui se brossent les dents, ceux qui ont une hygiène dentaire qui est peut-être moins favorable, mais tout le monde en bénéficie. Ce qu'on sait au niveau scientifique, c'est que les bénéfices sont beaucoup plus grands chez les personnes défavorisées, chez les personnes qui auraient une plus mauvaise hygiène, mais quand même, des personnes qui ont une bonne hygiène bénéficient également de la fluoration de l'eau. Pourquoi ne pas choisir le sel de table fluoré comme en Europe, par exemple, ou ne pas faire une campagne de sensibilisation autour des caries et de l'hygiène dentaire auprès de ces populations-là? Ben, pour répondre à votre première question, la fluoration du sel, les études sont un petit peu controversées à ce niveau-là. Donc, est-ce que la fluoration du sel fonctionne aussi bien que la fluoration de l'eau? C'est assez difficile à dire. Pour que ça fonctionne, il faudrait que tout le sel soit fluoré, c'est-à-dire le sel commercial, que tous les aliments consommés contiennent du sel fluoré. il y a aussi un problème au niveau de faire accepter la consommation du sel auprès des instances de santé publique, parce que on cherche à plutôt éliminer le sel de la nutrition, pas d'en rajouter. Donc ce n'est pas une option aussi bonne que la fluoration de l'eau. Et pourquoi pas choisir une campagne de sensibilisation, ou alors peut-être de l'eau embouteillée fluorée, par exemple, que les gens prendraient de manière volontaire? Ben, les campagnes de sensibilisation fonctionnent relativement... Il y a vraiment un impact assez modéré. Donc même si on fait beaucoup de campagnes de publicité sur la santé dentaire, on n'aura pas beaucoup d'effet au niveau des populations défavorisées. Je ne pense pas que ça puisse remplacer la fluoration de l'eau, parce qu'au finalement, quand on fluore l'eau, on ne demande rien à la population, c'est juste un bénéfice que la population reçoit, tandis que les campagnes de sensibilisation ont un impact, comme je vous ai dit, assez limité. Concernant l'utilisation de l'eau embouteillée, ce n'est pas vraiment... Je pense que ce serait plutôt déconseillé d'utiliser de l'eau embouteillée parce que ça coûte très cher. L'eau du robinet est totalement acceptable, la qualité de l'eau est totalement acceptable. Je ne pense pas que l'eau embouteillée rejoindrait l'ensemble de la population. D'où provient l'agent de fluoration qu'on va retrouver dans l'eau de Trois-Rivières? Le nom du produit chimique, c'est l'acide fluorosilicique. Dépendant de la source, ça dépend qui est le fournisseur de ce produit-ci. La source, généralement, provient de l'usine des engrais. Donc, c'est un sous-produit de l'usine des engrais qui est utilisé pour la dilution dans l'eau. Il y a aussi d'autres utilités pour les fluorures qui sont des produits des usines des engrais, comme par exemple au niveau de la métallurgie, puis de l'électronique. Comment on peut s'assurer de son innocuité? Comment on peut voir? Parce qu'après, l'eau qu'on consomme, ça va se retrouver dans l'environnement, souvent. Comment on peut, justement, parce que ça va être bénéfique pour nous, mais comment on peut s'assurer que ça ne soit pas toxique pour des moules toute la flore et la faune? Il y a eu plusieurs études au niveau de la toxicité du fluor dans l'environnement. Quand le fluor qui est utilisé pour la fluoration est dilué dans des rivières, comme par exemple le Saint-Laurent ou l'Outaouais, en aval du point où le fluor où les eaux usées sont libérées, quand on regarde quelques centaines de mètres plus loin, les quantités de fluor ne sont même pas détectables. Donc ça ne rajoute pratiquement rien au fluor qui est naturel, parce qu'on a déjà des quantités de fluor naturelles dans l'eau. Donc quand c'est dilué de cette façon-là, il n'y a vraiment pas d'augmentation de fluor. Puis plusieurs études ont été faites, dont deux justement dans le fleuve Saint-Laurent, qui démontraient aucun effet sur les espèces aquatiques. Ok. Et au point de vue bioaccumulation, s'il n'y en a pas forcément par rapport à l'environnement, il pourrait y en avoir dans notre corps? C'est-à-dire qu'au niveau... Ce sont des taux de fluor très très bas. On parle de 0,7 mg par litre de fluor, donc ce ne sont pas des doses très très grandes. Beaucoup de sources d'eau naturelle ont des quantités de fluor qui sont plus élevées. Donc il n'y a pas vraiment de bioaccumulation dans le corps. Il peut y en avoir dans les dents, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs. Au niveau des eaux, il y a une bioaccumulation, mais aussi une partie de ce fluor est aussi libérée puis excrétée dans les reins. Ok. Au point de vue, vous êtes dentiste, donc c'est normal que vous vous souciez des caries et de la santé dentaire. Mais on n'a pas entendu beaucoup d'autres spécialistes, d'autres médecins et scientifiques autour de cette question-là. Est-ce que tous les dentistes sont unanimes par rapport à la fluoration de l'eau? En fait, ce n'est pas correct ce que vous dites. Le Collège des médecins s'est prononcé en faveur de la fluoration. L'Ordre des pharmaciens au Québec s'est également prononcé. La grande majorité des scientifiques à travers le monde se prononcent en faveur de la fluoration. On parle des grands organismes de santé, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, Santé Canada, aux États-Unis, le département de santé publique, en Australie, en Angleterre. Donc ce ne sont pas vraiment des organismes dentaires, ce sont des organismes de santé générale ou de santé publique. Oui, parce qu'il s'agit surtout en fait de quelque chose, d'un agent de prévention. Hein. C'est ça, c'est le fluor qu'on rajoute, c'est surtout pour prévenir les caries et pour la bonne santé. Pourquoi pas choisir alors justement le volontariat? Le volontariat au niveau du choix de la personne de choisir? Oui, oui. C'est une question éthique. Donc, l'Institut national de santé publique s'est penché sur cette question. Est-ce que si on cherche à balancer les bénéfices pour la population et si on compare avec les risques-bénéfices d'une certaine partie de la population qui préfère avoir le choix de prendre du fluor ou non, puis on considère les grands bénéfices pour la majorité de la population. Nous autres, à l'Institut, notre comité d'éthique est composé d'ailleurs de professionnels, mais aussi de citoyens qui ont collaboré à ça, ont trouvé que les bénéfices étaient trop importants. Et puis oui, il peut y avoir une perte au niveau des droits individuels, mais au niveau des bénéfices, c'est un petit peu comme la ceinture de sécurité, qu'on a beaucoup, beaucoup de bénéfices, puis on considère que c'est important d'avoir la fluoration de l'eau. Entendu. Ben, je vous remercie, Dr Lévy. C'était Dr Michel Lévy de l'Institut national de santé publique du Québec. On va mettre votre rapport en ligne sur la petite page Internet aussi. Donc, les gens vont pouvoir justement le lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. On poursuit notre dossier sur la fluoration de l'eau. Donc, vous vous en doutez, la décision de Trois-Rivières dont Isabelle parlait à l'instant ne fait pas que des heureux. Il y a plusieurs opposants et on pourra en parler un peu avec nous à studio, Mme Châtelain, présidente de la Coalition au secours. Bonjour, Mme Châtelain. Bonjour. Et par téléphone, le naturopathe Gilles Parent, qui, avec Jean-Pierre Morin et John Remington Graham, a publié en 2005 l'ouvrage « La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique ». Bonjour, M. Parent. Bonjour, Monsieur Lapointe. La Ville de Trois-Rivières a dit oui à la fluoration. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle, Mme Châtelain, d'abord? Nous, on était très déçus parce qu'il y avait des comités de citoyens là-bas qui avaient demandé au secours de les aider à sensibiliser la population. Et on avait fait quand même une campagne de sensibilisation auprès des élus municipaux et on s'attendait à ce qu'ils reconduisent au moins le moratoire pour réfléchir ou consulter mieux la population. C'est très serré et je pense que ça correspond aussi à ce qui se passe dans la population, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas ce que c'est la fluoration de l'eau potable ou qui n'ont pas d'idée. Et je pense que c'est un débat aussi qui ne devrait pas être laissé aux conseillers municipaux d'une ville qui n'ont pas nécessairement les outils pour être capable d'analyser l'impact d'une décision comme ça. Nous, on croit sincèrement que c'est au gouvernement du Québec de mettre ses culottes et puis de dire aux gens, si c'est si bon que ça, la fluoration, ben on fluore tout le monde. Puis si c'est pas bon, ben on arrête de penser à cette solution-là. Nous, c'est ce qu'on demande et ce qu'on fait. Alors, on est déçus de la décision de Trois-Rivières. Par contre, une décision de conseil municipal, ce n'est pas terminé. Les gens de Trois-Rivières sont encore très mobilisés. Je pense qu'ils vont faire valoir leur point de vue. Le problème de la fluoration, c'est aussi un problème légal. On a rencontré les élus du conseil de la ville et on leur a fait voir que le problème de la fluoration est un problème grave au niveau légal. Les produits qui sont utilisés pour la fluoration de l'eau sont classés par Environnement Canada comme des substances dangereuses et toxiques. Ils font partie de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la loi sur les produits dangereux. Donc, on ajoute à l'eau un poison. Et en quelque sorte, il y a un problème éthique au niveau de la science. Il y a un problème légal par rapport à la fluoration de l'eau. Puis, il y a probablement un problème criminel parce qu'on va administrer des substances qui sont dangereuses et toxiques à des populations sans vraiment les consulter, sans les informer sur ce fait-là. Alors, les produits chimiques de la fluoration sont impropres parce qu'ils ne sont pas produits dans des conditions sanitaires acceptables. Ce sont des produits qui sont insalubres. Et on va les utiliser dans le but de prévenir la carie dentaire. Alors, le conseil de la ville a été très clairement informé de ces faits-là et il n'a pas pris sa responsabilité d'aller vérifier les faits avec les lois, d'aller vérifier l'information. Il se fie d'une façon aveugle, pour la plupart des conseillers, au ministère de la Santé qui ne leur a pas donné l'information appropriée. 45% de la population canadienne est déjà alimentée en eau fluorée. Au Québec, moins de 3% de l'eau potable contient du fluor, contrairement à d'autres provinces canadiennes. On pense à l'Ontario, on parle même des États-Unis, 75%. Ici, c'est une goutte d'eau. Pourquoi ce débat-là? Pourquoi vous mobilisez autant, Mme Châtelain? Bon, nous, à Eau Secours, c'est parce que les gens nous l'ont demandé. On a commencé la commission de l'eau de Gatineau il y a déjà 5 ans. On nous a demandé un avis. Alors, on s'est dit, on va aller chercher, on va aller s'informer et on a produit la brochure qui est sur notre site, là, la brochure. Et on a produit cette brochure-là. Ça nous a pris 2 ans à produire ça avec des chercheurs qui ont étudié la question. Pourquoi? C'est parce que les gens nous crient au secours, ils nous appellent et ils nous demandent de l'aide. C'est des comités de citoyens qui ne veulent pas de ce produit-là dans leur eau et qui n'ont plus d'autre choix parce qu'une fois que c'est dans l'eau potable, là, ils n'ont plus le choix de le boire. Alors, ils nous demandent souvent au moment où les villes veulent commencer à fluorer ou bien vont nous demander quand la ville fluore déjà, comment faire pour sortir du programme de fluoration. Alors, c'est ce qu'on fait, nous. On aide des comités de citoyens, on documente, on informe. C'est le rôle de la coalition au secours. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est peu connu et vous disiez qu'il y avait beaucoup de gens en Ontario qui étaient fluorés. Bien, vous savez qu'il n'y a pas de différence d'incidence de carie dentaire entre l'Ontario et le Québec et nous, on ne fluore pas et eux, ils fluorent. Si l'agent de fluoration était peut-être plus contrôlé ou produit, on va dire, dans un milieu un peu plus... on va dire plus sain. Est-ce que, Monsieur Parent, est-ce que ça vous dérangerait que la population en consomme comme prévention? Parce que c'est quand même un excellent moyen de prévention pour la carie et pour la santé dentaire. Ça, c'est une affirmation qui n'est pas nécessairement fondée. Il y a eu beaucoup d'études, dont l'Université York en Angleterre, qui ont vérifié toute la littérature scientifique. Puis ils n'ont pas vu une diminution marquée de la carie dentaire avec le fluor. Ils sont arrivés à la conclusion, et c'est ça qui est retenu par l'Organisation mondiale de la santé, que la fluoration de l'eau réduirait la carie dentaire de 15 % au maximum. Donc, c'est pas une réduction de 20 à 40 %. Et ça, c'est à la concentration de 1,2 parties par million. Donc, la preuve que la fluoration de l'eau à 0,7 parties par million va être efficace pour réduire la carie dentaire n'est pas établie. Et beaucoup d'autres études, dont ceux qui ont été faits en Ontario et plusieurs autres revues plus récentes, donc le Dr. Slade aux États-Unis, sont aperçus que la fluoration de l'eau ne réduirait pas d'une façon sensible la carie dentaire. Premièrement, c'est pas efficace. Deuxièmement, c'est toxique. Les fluorures n'ont pas de fonction physiologique à l'intérieur de l'organisme. C'est un poison enzymatique. Et à cause de ça, justement, ça cause une maladie qu'on appelle la fluorose dentaire. Et aux États-Unis, c'est 41% des enfants qui souffrent, des adolescents qui souffrent de fluorose dentaire. Et on avait promis que la fluorose dentaire, s'il y en avait, elle serait presque imperceptible et elle serait moins que 10%. Donc, on s'est trompé de 400%. C'est une grave erreur au point de vue scientifique. Mais comme vous le dites, est-ce que c'est pas un problème de concentration? Parce que le fluor, on en a déjà dans le dentifrice, on en a dans les bains de bouche. En France, on en donne aux enfants de la naissance à 1 an. On leur donne des comprimés de fluor pour justement renforcer les dents. Oui, bien, les comprimés, il faut que le patient ou les parents fassent une acceptation. Il faut qu'il y ait un consentement des parents pour le donner. Puis en France, c'est très peu utilisé encore pour les enfants. C'est très peu prescrit. Et les fluorures agissent juste de façon topique et non pas de façon systémique. Et il n'y a pas de fonction physiologique. Alors, ça agit comme un médicament et les produits ne sont pas homologués comme médicaments. Santé Canada ne réglemente pas les produits utilisés pour la fluoration de l'eau, ni comme médicament, ni comme produit de santé naturelle, ni comme minéral nutritif pour la fortification des aliments. C'est complètement différent de l'iode ajouté au sel ou de la vitamine D ajoutée au lait. les produits ne sont pas acceptés par Santé Canada comme une source alimentaire. Et la raison pour laquelle c'est pas accepté par Santé Canada, c'est parce que les produits, d'un côté, sont des produits toxiques classifiés dans 12 lois comme substances dangereuses, comme poison. Et en plus, les produits ne sont pas préparés dans des conditions sanitaires réglementées par Santé Canada, donc ils sont impropres à la consommation humaine. Comme accusation. Là. Santé Canada ne considère pas ça comme un aliment, donc c'est absolument évidemment, pas. C'est évidemment, elle ne peut pas légiférer pour un aliment en disant que c'est un aliment sécuritaire. Par contre, si on retrouve cet agent de fluoration dans tellement de produits, il y a quand même une dose peut-être minimale, je ne sais pas, qui pourrait être comme sécuritaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, Madame Châtelain, un niveau qu'on pourrait recommander au gouvernement? Parce que si le gouvernement continue ou les municipalités continuent à aller dans ce sens-là, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement dire, donner un avis, nous vous recommandons qu'au-delà de ça, qu'il n'y en ait pas, par exemple. C'est problématique parce que cette dose-là, qui serait la dose qui serait utile pour les dents... Rappelez-nous la dose. C'est 0,07 en ce moment qui est recommandée. Dans l'eau de Trois-Rivières. Dans l'eau du Québec, en général, ça tourne autour de ça, le 0,07. Cette dose-là, à 0,07, c'est aussi celle qui peut être dangereuse dans les cours d'eau pour certains végétaux, certains éléments de la flore et de la faune. Et ça, c'est documenté par... Environnement Canada. Ils nous disent qu'avec la dilution, mais au sortir de l'eau dans le milieu récepteur, il faut comprendre que seulement, il y a moins de 1% de l'eau qui va passer dans la bouche quand on sait que c'est topique. L'effet est topique. Il y a 100% de l'eau qui va se retrouver dans nos cours d'eau, donc qui va continuer d'augmenter le degré de fluoration de toutes les eaux de la région. Et ça, c'est prouvé que c'est dangereux pour la flore et la faune. C'est aussi un élément qui est biocumulatif, c'est-à-dire qui s'accumule dans certaines moules, dans certaines algues et dans notre corps aussi. Et ce n'est pas enlevé par les usines d'épuration des eaux, c'est-à-dire que nos usines n'enlèvent pas le fluor. Donc, éventuellement, ajouter avec les rinces-bouches, ajouter avec les dentifrices, la dose n'est pas gérable, c'est-à-dire si vous buvez plus ou moins d'eau. La dose, on ne peut pas calculer quelle est cette dose, quelle dose le patient va prendre. Et nous, on dit que l'eau qu'on paye avec nos taxes municipales, ce n'est pas un vecteur pour mettre un médicament ou un aliment ou un... appelez-le comme vous voulez parce qu'il l'a pas actuellement. Un agent de prévention, peut-être? Bon, même si on dit agent de prévention, Santé Canada le classe comme produit toxique. Alors, produit dangereux, toxique, nous, on dit, si on est gentil, on peut dire un élément, mais c'est en fin de compte, ces fluorures-là, c'est un déchet qu'on met dans l'eau potable de toute une population et qui a potentiellement, à la dose même réduite de 0,07, des effets dans notre corps et dans notre environnement. La Commission de la santé et des services sociaux ne prône dans son rapport ni d'interdire, ni d'obliger la fluoration de l'eau potable au Québec, ce qui, la population du Québec est déjà partagée, ça ne nous aide pas beaucoup. Aurait-elle dû prendre une position plus tranchée? Pour nous, c'est clair qu'on devrait interdire la fluoration de l'eau au Québec parce qu'on n'a pas de raison d'en faire la promotion. C'était interdit. Il y avait un livre rouge qui avait été produit dans l'année 1979, un livre rouge avec des études qui disaient que c'était potentiellement dangereux et il n'y a jamais eu d'études contraires pour dire que ce ne l'était pas. Alors, pourquoi a-t-on recommencé à faire la promotion de cette mesure-là au Québec, quand il n'y a rien de nouveau depuis 79, il n'y a rien de nouveau, mais même ce qu'il y a de nouveau nous prouve que c'est encore pire qu'on pensait. Les nouvelles études parlent de diminution du quotient intellectuel, ce qui fait très peur. Sans vouloir faire peur aux gens, on dit qu'il y a quand même un principe de précaution. Et ce n'est pas une mesure obligatoire. On a parlé du chlore dans l'eau, mais le chlore dans l'eau, il est nécessaire pour enlever des bactéries pathogènes. Le fluor n'est pas nécessaire du tout et il y a d'autres moyens de régler les problèmes de caries dentaires. Monsieur Parent, le programme du Parti québécois voulait interdire la fluoration de l'eau potable au Québec. L'actuel ministre de la Santé, par contre, y est favorable. Est-ce que, d'après vous, qu'est-ce qui explique ce revirement-là? C'est que dans le milieu dentaire et dans le milieu médical, on croit fermement que les produits de fluoration réduisent la carie dentaire, donc on le considère comme une bonne mesure de santé publique. Sauf que les produits qui sont utilisés sont soit classés comme substances toxiques ou soit comme produits de traitement de l'eau. Or, un produit de traitement de l'eau ne peut absolument pas, à cause des conditions de fabrication qui sont pas sanitaires, qui sont insalubres pour la consommation humaine, on ne peut pas utiliser des produits de traitement de l'eau pour traiter les gens contre une maladie. Donc, on fait un acte qui est illégal, qui transgresse la loi sur les aliments et drogues, qui transgresse la loi sur les chartes des droits et libertés. Les gens ne peuvent pas être traités contre une maladie, y inclut la carie dentaire, avec des produits qui sont impropres à la consommation humaine, sans leur consentement. Le pire dans tout ce débat-là, c'est que la population n'est pas informée sur les vrais enjeux légaux, sur la vraie nature des produits qui sont utilisés dans un but de traiter les dents. On le dit qu'on ajoute du fluor, qui est un élément nutritif, qui est un oligo-élément, la même chose que l'iode dans le sel, alors que tous ces faits sont faux, sont trompeurs. Et il est illégal au niveau de la loi sur les aliments et drogues, si c'est considéré comme un aliment, de faire de la publicité fausse et trompeuse. Merci à tous les deux. C'est tout le temps qu'on avait malheureusement. Alors, j'étais avec Martine Châtelain, présidente de la coalition Au Secours, et on avait par téléphone Gilles Parent aussi, qui a donc un ouvrage dont on vous mettra le lien et le nom sur notre site Internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Je vote pour la science, l'émission où se rencontrent la science et la politique, une production de l'agence Science Presse et de Radio Ville-Marie. Merci à Guy Lafrance à la régie. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet à www.sciencepresse.qc.ca où on va mettre plusieurs liens sur le débat d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique, pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosome vers les lysosomes. Ah, et puis E.T. von Hohn. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy prend ses résultats et avec son accent chinois, il dit comme ça: Disco up, disco down. This we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down. I like cDNA, microarray.